le 14h. Est-ce comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et bien, nous sommes déjà vendredi, voici l'émission Souvenir, comme tous les vendredis, entre 14h jusqu'à 17h. Et bien, un petit bonjour à tous et à toutes, si vous prenez l'écoute d'Arc-en-Ciel. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver avec plusieurs chansons différentes pendant les 3 heures, avec aussi quelques morceaux d'accordéon. Vers aux alentours pendant une heure, et bien on va écouter une des chansons. Aujourd'hui on va écouter tout simplement et bien Jean Gabin avec une de ses chansons que vous connaissez. Eh bien, sans plus tarder, on va débuter l'émission avec Lucienne de Lille. Et puis le titre s'appelle « Toute la vie ». Tous les soirs dans la rue, un jeune homme rentrerait toujours seul, seul, seul. Et sa chambre au mur gris tristement l'accueillait toujours seul, seul, seul. Les voisins l'appelaient le poète du quartier. C'est peut-être pour ça que la nuit il chantait. Toute la vie, un seul amour, être deux parmi les autres. Mais voilà, ce n'est pas ma faute, je suis seul et seul toujours. Toi qui passes, tu m'oublies, et pourtant c'est toi que j'aime, d'un amour qui sera le même, si Dieu le veut, toute la vie. Elle avait un petit nez, de grands yeux étonnés, des cheveux blonds, blonds, blonds. Le destin amusé les a fait se rencontrer. Il fut bon, bon, bon. La rue noire s'éclaira dans le baiser que donna le garçon qui chantait cet air-là. Toute la vie, un seul amour. Toute la vie défendre et crier à qui veut l'entendre, c'est le mien jusqu'à toujours. Inventer une harmonie, être deux qui

que se met en place le défilé. Bons hommes de pain d'épices et mènent-leur. Un, deux, trois, voici qu'ils avancent doucement sur la place recouverte de neige blanche. Pour la joie des grands et des petits enfants, ce soir ils vont se conduire comme des anges. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres viennent au marché. Mène-la, mène-la, tous vos tout dorés sont venus par milliers se faire admirer. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres se sont retrouvés. Mène-la, mène-la, tous vos tout dorés ne se font pas prier pour se faire croquer. Une bonne odeur de vin chaud et de cannelle, et voilà que s'avance libre de l'heure. En chemin s'allument les bougies et les chandelles, la chorale est là pour les saluer. On attend que descende Saint-Nicolas, perché au sommet de la cathédrale. Hans Rapp n'a pas besoin de le rejoindre en bas, qu'il reste où il est, nous est bien égal. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres viennent au marché. Mène-la, mène-la, tous vos tout dorés sont venus par milliers se faire admirer. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres se sont retrouvés. Mène-la, mène-la, tous vos tout bronzés ne se font pas pour se faire croquer. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres viennent au marché. Mène-la, mène-la, tous vos tout dorés sont venus se faire admirer. Mène-la, mène-la, bon et brioché, comme tous les décembres se sont retrouvés. Mène-la, mène-la, tous vos tout dorés ne se font pas prier pour se faire croquer. La la la la la la la la la la la la la. Magique nuit d'amour,

C'était les compagnons de la chanson et voici Léo Ferré, Monsieur Montpasse. J'ai dans la tête un vieux banjo de 1925, un vieux banjo qui se grattait le dos en regardant Chaplin dans un cinoche où il y avait de la brebis qui s'effiloche dans les fouilles. À samedi, ce banjo-là donnait le la de 1925, mais ce là-là n'était plus là, il n'y avait même plus Chaplin dans le vieux ciné où je suis repassé comme les souvenirs qui veulent rien dire, comme disait rien le ciné muet qui est comme les chiens mais qui causait. Monsieur, mon passé, voulez-vous passer? J'ai comme une envie d'oublier ma vie. Si j'avais à faire ma vie à l'envers, c'est vous, mon passé, qui me verriez repasser. J'ai dans la tête un vieux guignol de 1925, un vieux guignol où pour deux sols on jouait des tas de machins dans un truc muche où il n'y avait pas de vertu et de la paluche. En voilà, en veux-tu, ce vieux guignol où ma parole, en 1925 on faisait joujou en entresol, histoire de prendre du grain, a disparu au fond de ma rue comme disparaît tout mon passé, comme passé là c'était vieux. Passion pour faire la place à ma chanson. Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme un rancard qui me rend bizarre, comme les gens pressés qui veulent pas causer. Pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où se fabriquent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler d'un je ne sais plus qui vous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui n'est pas passé malgré le banjo qui se grattait le dos et puis le guignol où ma parole en venait paumer nos belles années. Monsieur, mon passé faudrait bien passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Je suis peut-être qu'une cigale, mais je t'emmène au bal. Voici donc Violetta avec André Dassari.

On écoutera juste après, tout simplement plus tard, et bien du fado, mais voici donc la flûte de pain. Thank you. Moreno. Fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada humahuaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Voici donc Guy Béard, tout simplement le matin en chantant. Un doigt doucement pointa sur le bouton du pointard. Aussitôt il est tombé un objet sur le point B. Le point B s'est empressé d'effacer son voisin C. C'est sur l'heure à bombarder avant de s'éteindre D. Presque mort mais dangereux, D s'est retourné sur eux. E du fin fond de son fief prend le fer et défie F. F bafoué s'est vengé en arrangeant le point G. G a coupé à la hache tout ce qui dépasse en H. Alphabet, alphabet. H dans le sanglant hachis de l'espace recherchi, il meurtrira l'ici J, ce qui reste du point J. J avant sa mort marqua une croix sur le point K. En cas la chaleur fut telle qu'elle gagna le point L. Elle avait l'arme suprême, elle en fit l'essai sur M. La trajectoire lointaine passe aussi par le point N. N a cloué au poteau ceux du pointeau. On n'a jamais eu d'épée, il étrangle, il plaque P. Alphabet, alphabet. P quoique plaqué, vaincu, a le temps de cogner Q. Tu vas-t-il enfin se taire, son antenne assourditaire. Dans le vacarme, R se presse de jeter le tort sur S. Voyez-vous la vérité, toute la faute est tentée. Dont les virus disparus s'étaient égarés sur U. Une malade va crever, mais en contaminant V. Le délire trouble V, dans la fièvre il double V. Jusqu'où s'étendra la Rix, mystère vers la terre X. Alphabet, alphabet. La panique a émigré dans l'état qu'on nomme Y, qui chétif cherche des aides pour assommer le grand Z. Z à son tour ne rata pas le pointard. Z à son tour ne rata pas le pointard. Voici donc Rina qui est ici. La route sous la neige au blanc silence avec l'hirondelle d'amour. Dors sans but, sans espérance, ainsi qu'un désert immense. J'écoute dans le soir une romance sur une douce cadence. Quand reviendra l'hirondelle dans le ciel à tire d'aile, tout au long de son parcours annonçant le gai retour du soleil et des beaux jours. Tu reviendras avec elle m'apporter ton cœur fidèle, le printemps de ta jeunesse, le parfum de ta tendresse viendront me charmer toujours. Quand reviendra l'hirondelle, l'hirondelle de l'amour, le doute vainement

je voulais juste un peu parler, surtout ne pas te déranger. Tous ces combats que j'ai gagnés pour traverser ma pauvre vie. Dis-moi, c'est toi qui m'as servi, te revoilà dans mes pensées. Et là où est, comment tu vas? Mon Dieu, de voir cela, c'est aussi de croire en toi. Mais ce combat est le dernier. Je pars en laissant mes idées. La liberté est-elle chez toi? Où sont, mon Dieu, tous mes copains? On n'est plus rien sous le pouvoir. Mais le pouvoir, s'il t'appartient, pourquoi d'autres prennent ta place? Te revoilà dans mes pensées. Et là où est, comment tu vas? Patrice et Mario avec Liana. Leila, Leila, Leila, que fais-tu rêvant les cheveux au vent sous le clair de lune? Leila, Leila, Leila, pour quel doux voleur mets-tu cette fleur dans tes boucles brunes? Leila, Leila, Leila, est-ce le hasard qui t'a fait ce soir passer sur ma route? J'en doute, j'en doute. Qu'on écoute, sais-tu ce qui en coûte? Leila, Leila, Leila, ce n'est pas au vent que le plus souvent un jupon s'envole. Leila, Leila, Leila, il n'y a pas tant de fleurs au printemps que le cœur frivole. Leila, Leila, Leila, si sur le chemin tes beaux yeux demain d'un autre s'éprennent. Leila, Leila, Leila, d'autres Leila passeront par là pour verser ma peine. Leila, Leila, Leila, mes oreilles glacées de nuit arrachées pour l'oublier toutes. J'en doute, j'en doute. Leila,

veille sur celle qui m'a tout appris. Je la regarde marcher de dos, le rose de l'été sur sa peau. Je sais qu'elle suit dans la lumière le chemin tracé par mon père. Elle me croit loin, je suis si près. Le passé me hante, les regrets. Un avion, un hôtel, un adieu sur un quai. Souvent je pense à elle pour me trouver. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés. Aujourd'hui, c'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés. Aujourd'hui, c'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds la main, sous un soleil bien trop grand. De ma vie, je veille sur celle qui m'a tout appris. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Cha-cha, on l'attendait, le revoilà, avec de l'or au bout des doigts, et c'est Tumba. Le revoilà, le cha-cha-cha, entre la techno, la java, ça marche à tous les coups, à Paris, à Java. Il savait taper sur des bambous, et dès la première danse, il mettait les filles à genoux, et sans perdre la cadence, on dansait déjà comme des fous, à chacun sa préférence. C'était comme ça, avant toi, avant moi et la comparsita. Le revoilà, le cha-cha-cha, on l'attendait, le revoilà, avec de l'or au bout des doigts, et c'est Tumba. Le revoilà, le cha-cha-cha, entre la techno, la java, ça marche à tous les coups, à Paris, à Java. cha-cha. Entre la techno, la java, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. À Paris, à Java.

sole. We better have to live. We're searching for something, but we don't want the same. We never wanna end up. We never think about it. We just know what we have. Are we too big? What do we need to be happy? Are we happy? Are we too big? What do we wear to be happy? La vida es preciosa. Aquí estamos ahora. We never wanna end up. We never think about it. We just know what we have. We don't, we don't. Are we happy? Are we to live? What do we need to be happy? Are we happy? Are we to live? What do we wear to be happy?

de la musique orientale. Cette chanson d'Oriental, eh bien, nous allons retrouver une des chansons tout simplement qu'on a pu entendre plusieurs fois et tout à l'heure aussi, avec les tout simplement, et avec ce titre tout simplement qu'on connaît aussi, donc un soir le 21 septembre, si vous voulez l'écouter et l'entendre plus chanter tout simplement, un soir le 21 septembre à partir de 19h30 jusqu'à la commune de Hutt, à côté de Thionville, pour une soirée dansante et costumée. Donc, eh bien, on connaît la voix, tout simplement, à chanter dans tout le monde. Eh bien, allez-y. Donc, ça se déroulera tout simplement le 21 septembre à partir de 19h30 jusqu'à minuit. Donc, son titre s'appelle Un déclic. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Mes ailes vont pouvoir se tirer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me prétentieuse et coincée, je serai toujours trop pas assez pour les gens complexés, puisque je ne serai jamais comme vous voulez, autant que j'assume ma propre personnalité, je vais me libérer. simplement, c'est Chris Adam avec Si tu pars. Si tu pars demain, si tu lâches ma main, où trouverais-je la force de continuer? Comment bomber le torse? Comment te prouver? Tu seras fier de moi. Bonjour papa, tu verras, je serai là, le haut des podiums. Tu seras avec moi, et le chemin là. Tu verras, entendras, mes mots parler de toi. Si ce matin triste arrive trop vite, auras-tu en toi le son de ma voix? Ces mots sont pour toi, ton sourire guide mes pas. Si le jour, la nuit, mes rêves, mes cibles, passé le temps, je ne t'oublie pas, je ne pense qu'à toi, je donne tout pour toi, tu seras fier de moi, un jour papa, tu verras, je serai là, au plus haut des podiums, tu seras avec moi, bien au chaud par là. Tu verras, entendras mes mots parler de toi. Si ce matin triste arrive trop vite, auras-tu en toi le son de ma voix? Ces mots sont pour toi, ton sourire guide mes pas. J'aurais beau tout donner, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Mal va t'emporter, t'éloigner de moi. N'oublie jamais ça. Les chansons sont pour toi. Oui, toi. Pour toi, papa. Suite des émissions pour le samedi et dimanche, donc à partir de juste après Victor, à partir de 16h jusqu'à 16h, là, pardon, jusqu'à 16h, et bien 16h jusqu'à 18h, vous allez retrouver le petit bal du samedi soir avec Michel, juste après entre 18h et 20h, avec l'émission Porte ouverte au sport, avec José, Bruno et Amer Giraud, et puis juste après lui, ça sera avec le sport, entre tout simplement 20h, 22h, avec Orient Show, avec Karim. Et puis pour le dimanche, dimanche matin à partir de 8h, 10h, vous allez retrouver Cantal Dougallo avec Antonio et Mathieu. Et puis entre 10h, 12h30, et bien c'est à vous de faire la programmation avec Le Téléphone Sonne, avec Katia, Jérôme, Lionel et Alex. Et puis entre 12h30 jusqu'à 15h, retour avec Michel avec l'accordéon de nos régions. Voilà donc eh bien, pour les émissions pour ce week-end et puis en fin d'après-midi. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Guitari, Georges Guitari. Qui s'en va dans le matin tout au long des chemins. Il va menant son troupeau toujours de plus en plus haut. Avec la belle saison, il a fermé sa maison et repris son bateau, laissant au loin ses amis et son village endormi. Pour voir là-bas s'effacer son vieux clocher. Et le berger mexicain qui s'en va dans le matin tout au long des chemins n'a plus pour seul compagnon que son chien et ses moutons. Chaque soir, près d'un feu de bois, sa guitare chante sous ses doigts, sa pensée revient chaque fois près de Rosita qui l'attend là-bas. Rosita, Rosita. Avec son chien près du feu qui s'éteint, rêve qu'il est à côté de sa douce fiancée. Et dans le ciel plus léger, tandis que l'on voit briller l'étoile du berger, un ange veille sur lui, le protégeant de la nuit. Car c'est toujours son destin d'aller plus loin. Mais le berger mexicain ne dit rien, car il sait bien que demain viendra le jour du retour vers son pays et l'amour. Car là-bas, en priant tout bas, sagement, la tarosita. Voici, il s'appelle tout simplement, eh bien, Georges Brassens. Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Se tu te vas, o que vai ser dos corações que vão ficar? Se tu te vais, que vou dizer, quais as razões que vou contar? Se tu te vais, eu sobrevivo mal ou bem, mas sofro mais quem vai perder o amor de mãe. Se tu te vais, nem que fosse por ele tu devias ficar, para não ter que dizer quando me perguntar onde estás tu agora, porque não estás aqui. Nem que fosse por ele, já não digo por mim. Se tu te vais, o que é que eu faço se ele chama por quem se foi? Se tu te vais, vou ter que amar por ti e por mim, amar por dois. Para veres o homem que vai ser, se tu te vais. Nem que fosse por ele tu devias ficar, para não ter que dizer quando me perguntar onde estás tu agora, porque não estás aqui. Já não digo por mim. Nem que fosse por ele tu devias ficar, para não ter que dizer quando me perguntar onde estás tu agora, porque não estás aqui. Nem que fosse por ele, já não digo por mim. Voici donc qu'elle s'appelle, eh bien, Jeanne. Jeanne, un point de titre, s'appelle Avec toi. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Et pourtant tu dois savoir qu'avec toi je ne pouvais plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi.

tes vieilles guenilles et tes gueulantes accordéons. Ça fait pendant, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Délacroix, Weber d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames se font une raison à ce qu'on bigarre, mais c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Sous ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up, ça va pour la chronique. Traction avant pour la tactique. Un petit coup sec sur le diapason. Range tes copains, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux. File-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, d'air, ah là là, rien. T'es un gangster à la mi-fin. Faut être adroit pour faire carton. La prochaine fois, ce sera peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise le long des rues du vocalise. Y a pas d'espoir dans tes rayons, seulement le trottoir. Mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des mais sous tes ponts coule la Seine pour la romance à illusion. Oh, il y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour. Ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux. Mais c'est si bon. Paris, flanflon, t'as l'âme en fête et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson. Merci, monsieur, dame, ça fait la rime et c'est si bon. Voilà donc, c'est cette chanson de Francis Lemar qu'on va se dire bonsoir, qu'on va se retrouver prochainement. Donc, eh bien, je vous laisse avec tout simplement Manuel pour l'émission Découverte à partir de 17h jusqu'à 19h. Juste après, vous allez retrouver Victor. Et puis, juste après Victor, Albino. Voilà. Eh bien, donc, je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et un bon week-end. Bonsoir à tous et à toutes. La peau douce et de drôle de frimousse. Elle portait avec elle le soleil. Elle s'appelait Rachel, Yasmina, Louise ou Raymond. Il y avait dans leur prunelle tout un monde. Quand le curé s'absentait, le rabbin le remplaçait à la messe. Il officiait, son latin était parfait. Quand le rabbin n'était pas là, c'était le curé ce jour-là qui commentait la Torah en hébreu comme il se doit. Les musulmans venaient nombreux se prosterner devant leur Dieu. Les messes étaient fraternelles, chaleureuse, universelle. Les rues de mon quartier elles sentaient la cannelle, les fruits gorgés de soleil, les épices et le miel. On souriait à ses voisins, on parlait de tout, de rien, des bonheurs et des chagrins de chacun. Sur le chemin de l'école du matin. Partait le cartable en main, plein d'entrain. Les rues de mon quartier qui sentent la cannelle. Les rues de mon quartier, elles ne sont pas réelles. Elles vivent dans la tête d'un vieux fou qui se croit poète et qui pêche dans les nuages ses mirages. Il écoute dans la nuit l'écho de tous les mensonges qui ne parlent que pour lui dans ses songes. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.